Je rêve qu'on me griffe, un œil dans le crâne en plein centre. Les fils de Judas sont prêts, gris, mon paradis plein de centre. Je veux pas finir dead à mes fiançailles. Glisser, je fais de l'argent sale, les fils de pute, l'argent le savent. Pas se prendre un pack de 12 à l'épicier, un fond de musique douce, je m'arrête histoire d'aller pisser. Je kick eux, juste un mic pour autant de mains. Comme les huissiers, la gloire déboule quand on s'y attend le moins. Boum, je suis mince, un pet sous le kébride. Au fils, je me lève armu en voulant attaquer le prince. Merde, au fils de bourge qui se plaignent ici. Tout va bien, croix serré, garde la pêche, hein. Ici tout va bien. Ça s'entue dès lors, tout ce qui sort de mon cerveau tue. Oh Dios, tu lâches ma lassitude. On nous entoure, cette nouvelle forme de servitude. Arrête de coke pour l'altitude, non. On préserve nos corps plus, discret agir, s'en sort au mieux. Garde l'esprit tortueux, le feu au cas où j'aurai un creux. Car c'est autour d'un plaque au plus, laisse les hell qui ont regard vicieux. T'en fais pas rien de sérieux, d'après le diagnostic du médecin. Si ce n'est qu'une bastos, ça atteint le torse et la jambe du frangin. Ouais, juste une bastos qui se mêle aux autres coups de crasse. C'est rien, tout va bien tant que j'esquive leurs coups de grâce. Ouais, nickel, ma femme m'a trompé, me dit qu'elle. Même et qu'elle a fait ça pour nous, donc dis-moi quelle raison que j'ai d'être fâché. Même si le zinc s'est fait faucher, il y a laissé son bras droit. Mais allez, je l'ai décroché. Moi j'ai perdu mon job, mais ça va, je touche les acédis. On m'a servi à boire, hein, juste de l'arsenic. Dépasser les peurs, avoir de la volonté de l'être, pour ne pas se blesser. Dealer, c'est une mission, y en a assez. Parce que c'est la loi de la survie dans le ghetto. Il faut se protéger pour ne pas tomber de haut, y en a assez. La guerre et la misère inondent le monde. Le crime est banalisé, ça met la pression, y en a assez. De gros moments de réflexion pour des méga lourdes actions. La conscience se sectionne, les engins s'actionnent dans la section. On masque les flammes sous les glaçons. On bâche le drame quand par la passion on en chie. Les flics trouvent des cervelles, ont des saltiques. Les radars flashent, les pauvres ont les plaques diplomatiques. Dramatique, non, c'est banal, on s'en sortira. Quête-moi après la guerre à droite sur mes jambes de bois. J'puise dans toutes mes putains de ressources. Incapable de me vider les bourses. Me contente des restes, espère toujours en la grande ours. À part ça, tout va bien. J'prends mon putain de pied, négro, à chaque fois que j'suis en chien. J'ai des putains de poches trouées, des impôts à déclarer. Frôle la red zone, et même le pénitencier. J'ai un faible pour ma routine, de vaut rien. Ici t'as rien, sans rien, à part ça, tout va bien. On assassine, le diable nous opprime. Prier, m'aide à évacuer. Baigné dans le crime, on crie vultive. Au goulot, putain toujours sans boulot. Juste un numéro à la haine. Vas-y, à part ça. La carte nous finance, au revenu minimum. Alors le frigo se plaint, ce qui pousse nos mains. Dans l'illicite, rien de mondain. Mais à part ça, mec, t'as vu, tout va bien. Dépasser les peurs, avoir de la volonté dans les cœurs pour ne pas se blesser. Dealer, c'est une mission, y'en a assez. Parce que c'est la loi de la survie dans le ghetto. Il faut se protéger pour ne pas tomber de haut, y'en a assez. La guerre et la misère inondent le monde. Ça met la pression, y'en a assez. 2005 c'est plus la peine de faire des millions. Why? Dans nos têtes y'a pas de fight, fight, fight. Lève la tête et constate, ça se capte plus vite qu'avant. Pire qu'avant nos sourcils froncent. Et à l'horizon le repos ne se fait pas voir. À croire qu'on vit pour trimer. À part ça, ça va, ça va. Rien n'a changé, on rêve toujours des mêmes choses jadis. On tente de battre le fer, ceci avant qu'il refroidisse. Pas besoin d'être poussé pour m'élancer. Ma volonté me suffit, on ne récolte que ce qu'on sème. Pour ça chaque jour j'transpire. Et j'ai toujours autant de mal à rester sobre qu'un devant un mic à tester. On reste des hommes ghetto estés. Air on verse des sommes, à la gloire on paye le prix. J'ai trop de galères à lester, mes cris résonnent dans les boîtes crâniennes. Squat ton bloc, c'est des briches. Tant que le monde c'est la mienne, cette vérité esprit. Mais tout va bien en bas, c'est toujours pompe et gamelle. La rue nous trompe, j'écris pour ce gosse accroché à ses mamelles. Ça se gorge, mais tout va bien. Comme dans le titre, y'a rien de grave. Ils ont brûlé une petite dans la cave, mais tout va bien. Style trap, j'y vais au feeling. Frappe ou ça blesse, tire les balles. Le seul moyen de soigner la pédophilie. On endure les pompes, les tsunamis. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à porter une ceinture dynamite? J'évolue parmi les depths, mais tout va bien. J'fais pas la même zig. Nous c'est hétéro sapiens, demande à Kenzie. Le volume monte-le sur la façade. Regarde la révolution faire le tapin. À part ça, tout va bien. Dépasser les peurs, avoir de la volonté de l'être pour ne pas se blesser. Dealer, c'est une mission, y'en a assez. Parce que c'est la loi de la survie dans le ghetto. Il faut se protéger pour ne pas tomber de haut, y'en a assez. La guerre et la misère inondent le monde. Le crime est banalisé, ça met la pression, y'en a assez. 2005 c'est plus la peine de faire des millions. Why? Dans nos têtes y'a pas de fight, fight, fight, fight, fight. Sous-sol, ça arrache, planque les gars, Ascension, Bestis, Boko Rage et Las Vegas, MC Loco, Villiers putain de belle sur le terrain enraciné, je rappe mes séquelles dans ce paradis assassiné, ce paradis assassiné.